How did I know I'd find you in here? Fireflies in the night. Hey! Don't do that! There you are. Let's go to the nest. Sorry, no time. I'm busy. You promised me. As you promised me yesterday and the day before. Sorry, I have too much work, okay? That's been your excuse for weeks now. I have to think about the future. Then forget about your present. Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé, repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais, je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les bras, sur les bras. Je donnerai tout pour être dans tes bras, dans tes bras. Et j'ai tenté de te haïr, mais la colère est partie. Des bons souvenirs l'emportent sur la haine et la rancœur. Je pense qu'il est temps de se retrouver.